somos cristianos. Yo vi alguna otra vuelta, algún comentario. Gracias, Paco. Sí. Bueno, es una pregunta muy, muy tonta, si quieres, muy concreta, sobre el título de Aliento y Espera. Que bueno, aparte, felicitar por la programación porque complementan muy bien todas las películas que aparecieron hoy. Y me quedé con la duda yo de el significado exacto de del título, porque la traducción que, por ejemplo, han puesto en los subtítulos lo traduce como hasta pronto, espero, ¿no?, que sea el avientón más normal. Pero si no me acuerdo mal, en el final de la película justamente está hablando uno de los sindicalistas, ¿no?, de Besançon, y me parece que lo plantea más bien como un espero que todo esto que estamos luchando, por lo que luchamos, se concretice lo más pronto posible, más o menos. Y quería preguntarte exactamente cuál sería el sentido, si es este o... Oui, c'est ça, c'est le bon sens de l'expression. En fait, à la toute fin du film « À bientôt, j'espère », donc l'un des ouvriers militants syndicalistes s'adresse au patron et leur dit « À bientôt, j'espère ». Et ce sont les derniers mots du film donc, qui précèdent « Place de Lille ». Sí, es exactamente lo que tú decías. Al final de la película, uno de los obreros se dice al patrón de ese aliento de usted, y es la película que precede a Place de Lille, pero era en el sentido que tú apuntabas. Il faut dire d'ailleurs que ce film A Bientôt J'espère a eu une diffusion à la télévision française, sur une des chaînes de télévision. Y hay que decirlo. Hay que decir que esta película, A Bientôt J'espère, fue difundida a la televisión francesa. Alors, il faut imaginer ce que pouvait être la télévision française donc en 1968. Donc, c'était une télévision qui était, par ses sujets, soumise au contrôle du pouvoir politique. Hay que imaginar lo que era la televisión de esa época, en el 68, era una tele que estaba sometida al control público. Et les critiques de télévision, justement, se demandaient si ce n'était pas une erreur de programmation. Et les critiques de télévision se demandaient si ce n'était pas une erreur de programmation. C'était la première fois, effectivement, qu'on entendait des ouvriers s'exprimer pendant les préférences uniques, je crois, que sur le film, donc en expliquant voilà, leurs conditions de vie, de travail, cette parole ouvrière existait justement à l'écran. Claro, era simplemente la primera vez que escuchábamos la palabra de los obreros expresarse en la televisión, ¿no?, sobre sus condiciones de trabajo. Y justamente yo quería preguntarte sobre, en relación a lo que ha dicho, sobre la circulación de estas películas, ¿no?, si, en qué ámbitos se discutieron, quién las vio. Alors, ces films n'ont pas été diffusés, hormis A Bientôt J'espère qui a été montré à la télévision, mais Place de Lille, par exemple, n'a pas été diffusé à la télévision. Se poser comme... A Bientôt J'espère, elle va mettre à la télévision, Place de Lille, non. Pour ces films militants, se poser la question de où pouvait-on les projeter, les diffuser. Era que ces films militants se preguntaient où nous pouvons projeter. Chris Marker et d'autres cinéastes et techniciens vont créer une structure de production et de distribution. Chris Marker et d'autres techniciens de cinéma vont créer un centre pour encargarse de la diffusion des films. On voit son nom dans le générique de Place de Lutte, Slon, S-L-O-N. Le nom est Slon. Ce qui veut dire service de lancement des œuvres nouvelles. Vol dire service de lancement des œuvres nouvelles. Mais Slon, c'est aussi un mot russe qui signifie éléphant. En russe, ça veut dire éléphant. Et Chris Marker est un amoureux des animaux, les chats, les éléphants. Et Chris Marker est un amoureux des animaux, les chats, les éléphants. Donc Slon va avoir constitué un catalogue de films militants et essayer de créer des réseaux de diffusion, des associations, des syndicats. Et il dit que Slon a créé un catalogue de films militants et crée toute une charte. Le sous-titre d'ailleurs de ce catalogue, c'est film qui n'existe pas, qui n'existerait pas. Et le sous-titre de ce catalogue, c'est films qui n'existent ou n'existeraient jamais. Pour Classe de Lutte, justement, le film va avoir un accueil mitigé, partagé. Pour Classe de Lutte, non, c'est pas. va tenir una rebuda una mica controvertida. Il va être mal accueilli par l'extrême gauche, donc le groupe. Va ser mal accueilli per l'extrême esquerra. Parce que c'est une militante de la CGT. Perché hi ha una militante de la CGT. Et il va être mal accueilli par la CGT parce que les groupes médecine échappent au fond au contrôle du syndicat. I també per la CGT va estar mal acollit perquè el grup Medellín estava al control del sindicat. Même si parmi les membres du groupe Medellín, vous avez compris, il y a beaucoup de militants de la CGT. Tot i que, com hem entès de la pel·lícula, hi ha molts militants de la CGT. Mais c'est un groupe qui se dit pas sur la ligne. Però és un grup que s'escapa una mica de la línia. Donc le film, donc, dans les réseaux de Cineclub, on projettera le film à bientôt, j'espère, d'abord. Ensuite, La Charnière, donc cette bande de son dans l'image. Le film club se projetaria à bientôt, j'espère, et ensuite La Charnière, qui est le film entre images que l'on dit. Et Platine. Et Platine. Comme ça, il y a les trois temps, en fait, le passage d'un film fait par des professionnels sur les ouvriers et puis un film fait par les ouvriers eux-mêmes. D'aquesta manera hi havia el passatge d'un film fet pels professionals sobre els obrers i un film fet amb els obrers mateix. Alors, j'ai peut-être pas dit aussi tout à l'heure que la référence à Alexandre Nedvedkin, pourquoi les groupes Nedvedkin, Alexandre Nedvedkin donc est un cinéaste soviétique que Chris Marker a découvert dans les années, au début des années 60. Perquè el grup Medvedkin, ve d'Alexander Medvedkin, que és un cineasta que li agradava molt a Chris Marker, que el va conèixer al principi dels anys 60. I Alexander Medvedkin, dans les années 1930, avait créé un train, donc des wagons équipés de matériel de tournage, de développement. Als anys 30, Alexander Medvedkin va crear un tren de desenvolupament de rodatge i de laboratori, sí. Qui permettait de pouvoir se déplacer dans l'Union soviétique et de filmer le quotidien, la vie des... La qual cosa permetia desplaçar-se per la Unió Soviètica i filmar el quotidià. Et vous voyez... Donc les films étaient tournés dans la journée, développés et montrés le lendemain. El film es rodava durant el dia, es desenvolupava el mateix tren i es presentava la tema. L'idea era que el cinema pouvait aussi servir de débat, de discussió i participar a la revolució en cours. La idea era que el cinema era un actor de discussió, de debat i de participació a la revolució. I c'est un tip de nom d'ètic que va être choisi. Et au début des années 70, ces ouvriers donc, du groupe Medvedkin vont rencontrer Alexandre Medvedkin. Et Chris Marker fera un film qui s'appelle Le train en marche de cette rencontre. Et Chris Marker fera une pellicule de cette trouvaille qui se dit Le train en marche. Me gustaría que hablara sobre el montaje de lucha de clase, porque si bien es cierto que la hicieron los obreros y las obreras, ¿no? Por el conocimiento, me pareció que en un momento de la película, sobre todo en el principio, había un texto como muy marquiniano y también en el tipo de montaje, y en la segunda parte no. Entonces quería saber cómo. O sea, ¿en qué medida Marker participó, si bien es cierto, además de enseñándole, pero participó en el escritura del guión y en el montaje? Yo creo que Chris Marker no ha participado directamente a la realización del film, pero ha dado los consejos. Creo que Chris Marker no participó directamente, pero sí que dio algunos consejos. El equipo, al fondo, es bastante réduite, de realización del film es bastante réduite. El equipo de realización de la película en realidad era bastante reducido. Même si le générique est très long. Aunque a mí el générique, los créditos son muy largos. Il y a toute une liste de nombres qui apparaissent. Hay una lista de nombres que aparecen. Au fond, c'est un générique qui est assez typique des films militants. où le générique ne correspond pas forcément aux personnes qui ont réalisé le film. En realidad es un tipo de créditos muy típicos de las películas militantes donde aparece muchísima gente que no ha participado profesionalmente en el film. Mais plutôt de rendre compte d'une communauté, d'un ensemble de personnes qui, à un titre ou à un autre, ont aidé à la fabrication du film. En realidad, la intención es dar cuenta de una comunidad de personas que de una forma u otra han apoyado el proyecto. Donc, Chris Marker, c'est effectivement le parrainage du groupe de Medvedi. Así que apadrinamiento, Marker tenía una relación con el grupo. Jean-Luc Godard, Joris Evans, par exemple, Jean-Luc Godard a prêté une caméra au groupe. Joris Evans est venu présenter des films qui ont nourri un débat, une discussion. Godard, par exemple, prêtait une caméra au groupe et Joris Evans présentait une película qui s'est discutée. Et j'ai l'impression que les personnes qui ont vraiment réalisé le film, ce sont les derniers noms qui apparaissent sur un carton générique. Et j'ai l'impression que les personnes que realmente realizaron las películas son las que aparecen al final de todos los créditos. Y la frase a un rol évidemment muy importante sur l'idée du cinéma donc, comme un moyen, donc pas simplement donc, une technique, mais comme moyen justement de pouvoir à la fois s'exprimer et de pouvoir se libérer, de pouvoir se réapproprier et aussi sa propre image. La idea es realmente de que, bueno, resumiendo, que los obreros puedan apropiarse de su propia imagen, ¿no? Que se representen por ellos mismos. Et ce prologue est intéressant, je parlais de manifeste tout à l'heure. Y este prologue es muy interesante, hace un momento yo hablaba del manifiesto. Puisqu'on voit en parallèle la question du cinéma. Porque vemos de forma paralela la cuestión del cine. La citation, la table de montage, la référence au film Terre d'Espagne. La cita, la mesa de montaje, la referencia a España. La caméra, avec le bruit de la caméra. La caméra con el ruido que la caracteriza. Et puis en parallèle, ce portrait déjà de cette militante. Y en paralelo, estamos hablando del principio de la experiencia. Y en paralelo, el retrato de esta militante. Qui est donc femme, mère de famille, et puis comme elle le dit, je milite, elle est aussi militante. Donc ces trois aspects-là de sa vie sont mis en avant. Que es mujer, que es madre de familia, y que como ella misma dice, yo milito, también es militante, entonces se presenta bajo estos tres aspectos de su vida. On voit aussi dans ce film ce que dit dans l'enregistrement sonore l'un des personnes en disant qu'il y a cette séquence qui a été tournée en mai 68, donc avec Chidal, qui joue un rôle très important dans la vie. Il y a une séquence qui est. La séquence, donc la séquence importante, c'est celle qui a été tournée pendant les 68. La séquence importante réellement de la película es la que está rodada durante mayo de 68. Parce qu'on voit bien, donc, en étant en rapport avec A bientôt j'espère, 67-68, comment on a justement cette trajectoire et comment elle devient une militante. Il y a là un moment fondateur. Vemos realmente, y en relación a la película de la que hablábamos también, A bientôt j'espère, o sea, 67-68, cómo se da esta conversión, ¿no? Con esta trayectoria hasta devenir militante. ¿Y alguna otra pregunta? Sí, que... Yo puedo hablar en español. Par contre, la question de la discussion de vos sujets, qui est importante, ce point de vue différent de los obreros sur le film, etc. Esto presuppone une pratique qui hoy enfraquecida, no existe más, o existe poquísimo, los cineclubs o las sesiones de films en sindicatos o en comunidades, etc. Quería que explicase un poco cómo era esa tradición y cuándo se acabó o si se enfraqueció. Porque me apresento, soy brasileño y también hice filmes militantes en los años 70. Había un cineclubismo muy interesado en analizar colectivamente los filmes, con el público. No era alguien que explicaba y traducía el mensaje para el público, era alguien que coordinaba las voces que se exprimían con diversos puntos de vista e intentar coordinar esa análisis colectiva con las divergencias y convergencias, etc. Esa práctica me parece que tiene una historia en Europa diferente. Quería que hablase un poco de ese momento de 68 y de las tradiciones que estaban presentes en ese momento. Para mí también fue muy importante a partir de la muerte de Franco, la última criterio de los 70 también fue muy importante. En France, les cinéclubs et cinéclubs se constituent à la fin des années 30 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. En Francia, los cinéclubs se constituyeron en los años 30 y al final de la Guerra Mundial. Surtout, donc, avec de nombreuses fédérations qui sont très actives, qui ont aussi des revues. Con numerosas federaciones muy activas que tienen también revistas. Et qui ont des orientations différentes, catholiques, laïques, y que tienen orientaciones distintas, católicas, laicas, incluso comunistas. À Besançon, c'est ce centre culturel qui joue un rôle important. On comprend aussi la discussion, les échanges entre les ouvriers, parce qu'il y a aussi cette tradition d'une dizaine d'années. En Besançon, este centro cultural tuvo un rol muy importante en este sentido. Et comme vous dites, il y a un animateur qui joue un rôle important, qui est aussi un des co-réalisateurs de Place de Lille, qui s'appelle Paul Sèvres. Y ahí, como comentas, un animador que era muy importante su rol, que se llama Paul Sèvres. C'est lui qui a créé le centre culturel. Es quien creó el centro cultural. Y c'est lui qui va éveiller les ouvriers donc, à la découverte du cinéma, de la musique. Y es quien anima, quien lleva a los obreros al descubrimiento del cine. On ressent ça à la fin de Place de Lutte, dans l'échange avec l'ouvrière, autour de Picasso, de Prévert, par exemple. Ça évoque ce bagage culturel. En este final de Place de Lutte, donde vemos este diálogo con Picasso, esto evoca este intercambio cultural. Donc, à Besançon, des ouvriers qui sont membres du centre culturel et qui vont créer le Comité de Tine ont avec eux justement cette expérience, cette connaissance, cette habitude de parler, de discuter entre eux. Sí, en Besançon, esta gente que tuvo la oportunidad de estar en este centro con el grupo Metenkin, no sé, surgió. Avec cette expérience-là, cette pratique. Sí, salió esta experiencia, esta pratique. Les cinéclubs vont disparaître à la fin des années 70, au début des années 80. Los cinéclubs desaparecen al final de los años 70, a principios de los 80. La télévision. La télévision, important. Et puis aussi, sans doute, une démobilisation du secteur associatif. Y hay una desmovilización del sector asociativo. Mais c'est essentiellement la télévision qui va jouer un rôle de concurrence. Pero sobre todo por culpa de la télévision. Un cambio de paradigma. Fin des années 70, c'est aussi le moment où le cinéma militant lui aussi s'essouffle. Al final de los años 70, es el momento en que el cine militante el mismo se... Il y a effectivement en France, 1981, c'est l'arrivée d'un gouvernement de gauche au pouvoir, donc qui constitue une date, un repère en tout cas, pour marquer la fin de cette période de 68-81. À los años 90, cuando llega la izquierda. 81 es cuando llega la izquierda en el poder y que cambia todo esto. Son cuando, en los años 30, 70, 50. Alors on peut remonter très très loin, mais disons, aujourd'hui on parle des années 68, donc pour finalement inscrire mai 68 dans une thèse plus large, et on fait démarrer soit après la Deuxième Guerre mondiale, soit surtout au moment de la guerre d'Algérie, en France, donc c'est les moitiés des années 50, début des années 60. Hablamos de los años 68, pero en sentido muy amplio, y normalmente se suele contar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Argelia, y hasta. La guerre d'Algérie, parce qu'on retrouve certains du côté des cinéastes, des techniciens, certains ont commencé à militer pendant la guerre d'Algérie, ils vont continuer ensuite dans les années 60, et c'est le cas. Muchos de los cinéastas, perdón, y los militantes empezaron a militar a partir de la guerra de Argelia. C'est le cas d'un des membres importants du groupe médiatique qui s'appelle Bruno Muel. Es el caso de uno de los miembros más importantes del grupo que se llama Bruno Muel, qui a commencé comme opérateur pendant la guerre d'Algérie. Que empieza como operador durante la guerra de Argelia. Qui va tourner dans les maquis en Amérique latine. Que luego se va a América Latina para rodar con el maquis, con los maquis. Qui sera un des membres du film Le Collectif Noir du Vietnam. Y que va a firmar también una de las uno de los fragmentos de la película colectiva Noir du Vietnam, de José Vietnam. Et qui sera une des personnalités importantes des groupes médicaux de Besançon et de Sochaux. Y que va a ser una de las personas importantes del grupo Medellín, tanto en Sochaux como en Besançon. Il y a une chose aussi que je n'ai pas dite par rapport à la série Images de la Nouvelle Société. Hay algo que no dije en relación con la serie de Imágenes de la Nueva Sociedad. Vous avez dû entendre qu'il y a une opposition entre les discours officiels, celui du Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban Delmas, et du président Georges Pompidou. Avez-vous vu qu'il y a un décalage, une contradiction entre. Une opposition. Une opposition entre les discours du Premier ministre et du président en moment, Charles Delmas. Avec la voix des ouvriers. Con la voz de los obreros. Et vous avez vu aussi que finalement, on a des images, donc. Une caméra embarquée dans une voiture qui évolue dans la ville. Et nous voyons qu'au final, il y a aussi des images d'une caméra qui est dentro de un coche qui va circulando por la ciudad. Et que jamais on entre à l'intérieur de l'usine. Et que nunca entramos realmente dentro de la fábrica. Sauf avec quelques photos à la fin où on voit les machines. Solo à travers algunas fotos al final donde vemos las máquinas. C'est pour dire que, effectivement, c'était impossible. Parce qu'il est impossible de faire entrer une caméra à l'intérieur d'une usine. C'est une forme de dire que finalement il est impossible de mettre une caméra dentro de la fábrica. Et de pouvoir filmer les ateliers, la chaîne. Et de pouvoir filmer les talleres, la cadena de montage. C'est pour ça que dans un film qui va être réalisé en 1972, par un film de Sochaux. C'est pour ça que dans la pellicule. Es por eso que en una película que se realiza en el 72 por el grupo Medbeking de Sochaux, que se llama Un fin de semana en Sochaux, les ouvriers vont reconstituer la chaîne. Los obreros van a reconstituir esta cadena para mostrar cómo es y lo que sucede en la fábrica. Bueno, creo que lo tenemos que dejar aquí porque son las 10 y hay otra sesión. Me preocupa esta sesión. Una sesión que es como la sesión de singular de Project Cicla. Es una sesión que tengo que ir más realista y yo les mostraba algunas filmaciones clandestinas rodadas al final de los años 60 y principios de los 70 a Cataluña y España. Pelis que no sabéis mai i vindran a comentar-les un dels directors que filmava en aquell moment, un advocat laboralista i l'Ester Casas, que és una persona que porta molts anys treballant amb tots els arxius de la biblioteca d'aquests anys i que està fent un documental. Així que, ho esperem. Bona nit.